Sont revenues les idées folles. Je n'ai pas su tenir parole pour jouer ce rôle pas très très drôle. Reste l'authenticité. Vêtu d'une aube, d'une auréole, la palme a plu comme une idole. Karma perdu, pas de peau, pas de bol, reste l'authenticité. Crée l'ombre et le dégel. Approche, approche, approche, approche, approche, approche. Ardent soleil, crée l'ombre et le dégel. Crée l'ombre et le dégel. Il a fallu le parasol contre ses idées chaudes et frivoles. Les passions naissent, vivent et s'envolent. Reste l'authenticité. Quand l'arbre est nu, elle se décolle. L'automne cède à la neige au sol. Un froid d'hiver sans boire d'alcool. Authenticité. Thank you.